Zeggen we nu de Silo Hind en Brezonnik? C'est l'heure de retrouver Hind en Brezonnik. On retrouve Entar Brezhoneck. Alors, on tombe sur un chiffre rond et on s'approche de la 500e leçon de breton avec Henri Le Naou, alias Héry. Héry Naud, oui. Malentrao. Ya matré, ya. Kentel, Perhan. Perhan à Perugen. À Perugen, Perhan à Perugen, ça fait 480. 480, oui. Et on commence par Garriou Arvué. Voilà. Quel mot on va découvrir aujourd'hui, Henri ? Alors aujourd'hui, c'est un mot qu'on entend souvent dans le breton d'aujourd'hui et qui a changé un peu de sens par rapport au sens traditionnel. C'est le mot arouez. Arouez, A-R-O-U-E-Z. Donc, qui est un mot masculin qui, donc en général, maintenant, dans le breton d'aujourd'hui, traduit plutôt le symbole. Le symbole de quelque chose. C'est abstrait, ça ? Oui. Il n'y avait pas trop de mots pour qualifier l'abstrait en breton ? Ah, si, si, il y a des mots abstraits qui sont souvent des mots concrets au départ. Parce que le mot arouez, qui veut dire symbole, c'était plutôt un symptôme autrefois. Le symptôme d'une maladie, par exemple. Hein. Voilà. Alors, donc un mot masculin, pluriel arouezio, qu'on entend moins souvent. Alors, c'est un mot d'origine celtique, hein, qu'on trouve également en gallois, prononcé pareil, mais écrit pas du tout pareil, avec un W à la place du OU, et puis un double D pour finir. Hein, le double D qui traduit le Z en gallois. Donc, l'orthographe du gallois est un peu déroutante pour un bretonnant, hein, parce que des mots qui se prononcent pareil ne sont pas écrits du tout de la même façon. Voilà. Il y a même des syllabes, des « che », des trucs comme ça. Oui, oui, voilà. C'est un peu... Il faut s'habituer un peu, quoi. Voilà. Alors, le sens, donc, c'est, je l'ai dit, hein, le symbole, le signal, le symptôme. Alors, on va parler un peu du symbole, hein, déjà. Arouez Orvro, hein, le symbole du pays. Hein. Pour la Bretagne, c'est l'hermine, hein, par exemple, hein, un herminique. Et pour la France, c'est la fleur de lys, hein. Depuis les rois de France, qui était en fait une fleur d'iris au départ, hein. Ah bon ? À l'époque des Mérovingiens, oui. Oui, parce qu'on raconte que Clovis avait eu la vie sauve en traversant un marécage, et en voyant des iris, il avait suivi l'endroit où se trouvaient les iris, quoi. Les voilà. Iris jaunes, les iris d'eau. Oui, les iris d'eau, oui. Alors, en breton, il y a un mot assez marrant, c'est fleur de lys. On en a fait un seul mot, fleur de lys, hein. Ouais, ouais. Mi velen ei creisen ilis, ahi ken kervel fleur de lys, tradira l'on leno. Fleur de lys, oui. Tibillon de l'Armenie, c'est pas ça? Oui, on trouve dans plusieurs chansons, quoi. Ici, c'est l'histoire d'un gars qui va à la messe pour voir sa belle plutôt que pour adorer le bon Dieu. Et donc, qui passe son temps par-dessus l'épaule à contempler sa belle, quoi. Ça distrait, hein, c'est vrai. Bon, alors, cette fleur de lys, hein, qu'on trouve sur beaucoup d'églises en remplage de vitraux, hein, à partir de, justement, de l'annexion de la Bretagne à la France. Hein. Donc, on trouve des remplages de fenêtres en fleur de lys, hein, sur beaucoup d'églises. Hein. Voilà. Alors, le symptôme, par exemple, on va dire, arouez ar leivet, hein. Le symptôme de la maladie, par exemple, arouez zandigouden, hein, il y a un symptôme qu'on appelle le symptôme de Saint-Nicodème. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, je ne sais pas trop ce que c'est. C'est sur les porcs, hein, faudrait demander à Guy Joncourt. C'est une maladie de peau des porcs, hein, donc qui fait des marques sur la peau des cochons, quoi. Ah, j'avais entendu parler d'une teigne. Qui faisait des marques, hein, sur la peau des cochons. Les cochons d'aujourd'hui ne doivent plus être soumis à ça, mais... Faudrait demander à Guy Joncourt exactement ce que c'est, quoi. Voilà. Guy Joncourt, si vous nous écoutez. Oui. Voilà. Il y a aussi l'expression tudarouezed, hein. C'est les rhumatisants, hein. Les gens qui ont des rhumatismes, hein, ils ont des symptômes caractéristiques, hein, visibles ou invisibles, hein. Donc, voilà. Alors, il y a des dérivés à ce mot, hein. C'est arouezek, par exemple, hein, qui veut dire symbolique. Il y a arouezus aussi, hein, symbolique, donc quelque chose qui est marqué par un symbole. Naroézen aussi, un mot féminin qui veut dire symbole aussi, et qui est aussi une caractéristique de quelqu'un. Par exemple, un grain de beauté, par exemple, quelque chose comme ça, qui est en fait une sorte de symbole aussi de la personne, quoi, qui marque la symbole, hein, signe particulier, hein, sur les cartes d'identité autrefois, ou les livrets militaires, signe particulier néant. Les miens, mes ancêtres qui ont les livrets militaires, signe particulier néant. Les cartes anthropométriques aussi. Taille moyenne, cheveux châtains, enfin. Des gens... Il n'y avait même pas beaucoup d'humour. Non, des gens qui passent inaperçus. Alors, le verbe aroézin, bien sûr, qui veut dire symboliser, caractériser, hein, voilà. Aroézenti aussi, une enseigne. Hein. Bon, voilà. Aroézu, je l'ai dit. Dizarouis, qui est un adjectif qui veut dire désinflammateur, anti-inflammatoire. Bon, il y a un dictionnaire de médecine, tiens, qui est chez Laurent Nienbanner, là, où on doit trouver ça. Hein. Le vocabulaire de médecine, je ne connais pas trop. Voilà. On demandera à Guy Joncourt aussi. Oui. Oui. Voilà. Alors, il y a aussi Aruesva, qui est un mot masculin qui veut dire un sémaphore ou un émetteur de signal, quelconque. Aruesva. Alors, j'ai dit que le mot symbole se traduisait par Arues, mais il y a aussi le mot symbole qui est très connu, puisque c'était la méthode qui était utilisée pour empêcher les enfants de parler breton. Hein. Symbole, et c'est un mot qui se figure dans le breton depuis très longtemps, d'après Albert Dehay, depuis 1380. S-I-M-B-O-L. S-I-M-B-O-L, oui. Alors Albert Dehay a écrit un dictionnaire étymologique du breton qui est un trésor linguistique. Hein. Et quand il dit quelque chose, on peut dire que c'est attesté. Donc depuis 1380, bien avant le procédé d'humiliation qu'on utilisait dans nos écoles. Alors il y avait différents modèles. Hein. Parfois on l'appelle la vache aussi. Vorteuse, hein. Le sabot qu'à ton école, on te passait en bricole. Le sabot qu'à ton école... On te passait en bricole, chausse-le pour botter le cul des chafouins et malvenus. C'était Gilles Servat, ça, non? Il y a déjà pas mal d'années de ça, quoi. Oh ben on change de répertoire aujourd'hui. Ah oui, c'est varié. Et puis, j'ai entendu l'autre jour dans l'étrange lucarne que Rosen Milin était en train de préparer une thèse sur ce sujet. Donc ça, c'est assez intéressant, puisqu'il est temps de le faire, tant qu'il y a encore des témoignages de gens qui ont subi ça. Hein. Et donc, je pense que c'est intéressant de travailler sur cette question-là, quoi, le symbole. Bon, eh ben, on s'arrêtera là-dessus. Voilà, avec Arouès, et on passe à Brézanec Tamatam, on parle encore du cidre cette semaine. Oui. Et troisième partie, Petrazone Vervro, ce sera dans quelques petites minutes. Thank you. Marie, on passe à la seconde partie. C'est Brézonnec dans ma tombe. Ben, on était allé faire un petit tour à Zantolec, comme d'habitude. Chanik va à Zantolec. Oui, voir. Elle était allée voir Yvonne, oui. Oui, Yvonne Danteg, hein, qui est. Ben, le producteur de cidre. Hein. Oui, à Kerizel, oui. Ouais. Et un producteur qui fait pas mal, qui sort pas mal de bouteilles. Oui, voilà. Alors, on continue à les écouter. Plein homme, maman, Yvonne. En me homme, Banata, Yorgist. En me mentou d'or binfiou de burgiste. Dré en man et en avalo d'un ataya. Ya, don dera en avalo en me gannen dour, gual raden yam, a kasset d'or vilin, a zive draye d'un arlo, a gen avalo marlet, vela ke d'amman balouer yo dir, pa pember. A kasset d'or pressour goudé. Jusmat, a zi mort pressour. N'est ke d'or pressour mot kous. Non, or pressour dipose, zelet, en avalo ya barz dré on tu, a gaya mezre en tuel, a gaur chuk eze ur mezre din nan. Ma de da evan. Ya, de te dan va ma peswant, Chanik. Et Chanik, elle y va, parce que de toute façon, elle fait bien son travail. Oui, oui, oui. Donc elle goûte tous les produits. Voilà. Voilà. On reprend phrase à phrase, donc ce dialogue, pour aller un peu plus loin dans le domaine du cidre. Plairon bamman, Iwan. Oui, où sommes-nous ici, hein, plairon bamman. Alors c'est un mamba, mais nous on coupe un peu. Hein. Plairon bamman, Iwan. Où sommes-nous ici, Iwan. Amman omba natayar schiste. Ya. Schiste. Amman omba natayar schiste, nous sommes dans l'atelier du cidre, hein, l'endroit où on fait le cidre. Amman tout d'or binviou de beurre schiste. Ya. Amman tout d'or binviou de beurre schiste, hein, ici, il y a tous les outils, hein, toutes les machines pour faire le cidre d'beurre schiste. Alors, Chanik demande dréamman et te en avalo ba natayar. Voilà. Alors, elle demande dréamman. Par ici, te en avalo, viennent les pommes, hein, banatailleur dans l'atelier. Parce qu'il y a un petit fossé là par où, une rigole, hein, par où vont venir les pommes. Hein. Elles sont portées par l'eau, en fait. Il y a donnera en avalo en manganandour. Il y a donnera en avalo ganandour, hein. Les pommes viennent ici, ganandour portées par l'eau, avec l'eau. Gualretin en man à Kasset d'Arvilin. Voilà, elles sont lavées, hein, Gualret, elles sont lavées ici à Kasset d'Arvilin et emmenées au moulin. Arvilin, le moulin. Aze vidrayet en avalo. Voilà, et là, les pommes sont hachées, hein, drayet, hein, hachées, broyées, quoi. Agan avalo malet vilaket en man. Voilà. Balonerio. Balouerio, voilà. Louerio dir. Ya. Alors, un aval ou marlet, hein, donc les pommes hachées, broyées, hein, vela que dans, on les met ici, bah, l'ouer you dire. Alors, l'ouer, c'est une auge au départ, hein, l'ouer, hein, et donc c'est en pierre au départ, mais pour des cuves en acier, on va dire l'ouer you dire. Hein. D'accord. Pas de pème. Pendant 5 heures, hein, donc pour bien macérer, pour que les tanins puissent passer dans le jus après. À Kasset d'ar pressour goudé, demande Chanik. Voilà, et emmené au pressoir après. À Jusmad, à Zemar pressour. Voilà, Jusmad, ouais, exactement. À Zemar pressour, ici est le pressoir. N'est que d'ar pressour mot de cause. Ah non, n'est que d'ar pressour mot de cause. C'est pas un pressoir à l'ancienne, hein, c'est-à-dire la vis verticale avec le mout, là. Hein. Non, c'est pas un comme ça. Ah non, un pressoir diboué. Dibose. Alors c'est un pressoir continu, dibose. C'est-à-dire ça tourne tout le temps. Il va expliquer d'ailleurs. Zélit, en avalo aya barz dré tu, aya hermès dré tual. Voilà. En avalo aya barz dré tu, les pommes rentrent dedans par un côté et sortent par l'autre bout. Aga hermès dré tual et sortent par l'autre côté. Aga chuk, aze hermès dré dindan. Voilà. Et le jus sort par en dessous. Madé da Evan, demande Chanik. Madé da Evan, hein, il est bon à boire. Bah oui, ah. Là c'est le mou en fait, hein, qu'on appelle le mou, hein, donc du cidre qui n'est pas fermenté du tout, hein, qui a une couleur un peu brune là, et qui est très laxatif. C'est très bon, mais c'est très laxatif. Ya, dis-moi. De dans va peu soin, Chanik. Ya, de te dans va, hein, viens, venez goûter, hein, si vous voulez, Chanik, Macarit. Voilà. Et voilà, ils vont goûter le cidre. Enfin, c'est pas encore du cidre, hein, c'est du mou, quoi, qui va ensuite fermenter pour donner le cidre. Alors c'est très bon, mais il faut pas en abuser parce que c'est une tendance laxative. Et c'est le moment de Petra Zonévé-Arvro, c'est la Gazette. Eri, Petra Zonévé-Arvro. Ben, quel se drôle et vel juste boire vej di aux hommes. Krogon bevelkiz a custum grande la bourdouar agar vu et war armez. Eru, on vraiment, ba kreizen diska ramzor. Gwal boinde, vraiment, peut réussir de zer yer maïs. Eru et un roul se vi, zer yive, un aval d'aubergiste. Ag hervé, kleve de zo vraiment, kalz avalo de zeri. Ag gansé vos giste a gizmat, blanc maroise. Bandis karam zo remont e houl se vid ur beur ur foar yu tiezeg. Waler hini bulad zo ve bamiz gwen golo, ve hini plantel, de l'un tient en remis heire, a goud e ze ve voar diarien, en driet zaden de zbis heire. A blanc maroise zo bet kalz e dud ba voar diarien, a ba voar plantel, a ba bulad oa bet kalz i ve. A l'en meus war noest e clair, en dizor ou concours, vid de Neubelien. A gwell e meus, a zem eus gret plijad ur din oa, o ne bamad ur anoy ou brezonek, evid yezek, vid de Neubelien pe la rin man, bare zo bed primet de ze meus gwell oa fez nons, fentus, fwen, bon, a ze zo mat. Dans mon temps, bremañ, war dachen en ekonomiez. Mondora war rog la bourio war lignen en touarn, zo raon le DLGV tre Paris à Brest. Hag bon prestig vo moyen de lakad traio tis braz war linen ze. Met war mam eus tro, a zez o fentus war, ve krouet linenou autokario, kiri bout in ma peswant, o mo divon or de veagi, me mahamator. Da skwer zo bremañ o linen, tre Paris à Razon, evi mond ave seis Seis quoi je ou des maisons, vegretzi. Bon, Peter Rantor vela que don de zroz en bêta Paris, ira, divej mûr vigan un train, mais maramatori. Hag, bon, d'une de zibab, très monde vounis à Péotier, à mon, vonus, dit, à mon tranquille à Péo Neptor. Bon, gwelet vos pésamot, vos con, hein, très un train, hag un autocario. Dans mon temps, vraiment, wardache en or politique RS. Tosta ramb vraiment de zeur vota degou vo vidor cusul rand vro a vo bamis tierzu. A milardar zo tud war a renk, douze glisten beneket vo. War an tu klei deja zo un tropad listeno. Vidor PS, Jean-Yves Le Drian vo war a renk, a ba pen listen. A maia ur maud gantan vo retan di lezel i garg, minister Brezel. On me ve, ya, gwejel, vigelar, minister Brezel. A zez o tostor d'em jonj vin minister an diven. Hag, bon, ba, gwell a vo pes amod vo kont gant Jean-Yves Le Drian, ma chom o bapar, is petan man tei, ouais, oa igiz de vro. Ban tu gwen, man marg le fur, ba pen an trou, me be roar an eus evit zeri an idevet ba an drodan. Bon, hag Christian Troadeg zo o klask monte gambali, hein, hag tapo un tamm moui jo un dauze. Bon, a endel zo kalze reel oaz. Med ben a prestig vo kleve komz de se tout un trauze. Hag gwellet vo, ma tabutu zo endel pe gantin des politikeres, gant hat tro an ur vro. Pu dur zo gred o lezen, lezen notre, hein, evid stagan... strolad ou parejou gant ne gant e dile hag bon prestig vo gwaret pe sa mod vo kon ba da skwer ba vro am ur prefet prefet no do un arvor ne jonge de vije bemad stagan kalag ar gwad de CCKB med tu li dile ni di kalag ar gwad gaf e gwell ar mont de bro poer de gant karez ma peswan c'est tu zo reuse de vous d'un gwaranda fansem. Wardash ne lezen bremañ. Ne vo ket zin et karta ur Yezou gwasket, karta Europa vid ur Yezou gwasket, ma peswan, pu dur po de prezident de Kamber e Goz, en eus lard oa enep de ze, a mam ne ko komze de se, en eus traoù larche e pe larin mod. au président de Camporegos de l'Arabie. Camporegos et Sénat. Alors Sénat, il y a. Ah, il y a. Bah, il y a Sénat et Camporegos. Il y a. Maintenant que cause tout Mahadmed Bopet, au spirit Bopet qui est dermat, au cause mat, bon. Ag bon, notre ou l'archive, elle tout de Jacobine, de Vel juste, ils ont un up de zé. Bon, qu'elle se dit, au dipit, ganzé, mais de minon que dipit, de pudior de wank, que change, al, j'ai bégré de mande bédouar, en dachens. Zé wabé promette, gant fanche au lampe, et wa au cambali, 2012, mais vel qu'ils accustume, Jacobine gwen, ag Jacobine rue, ne se donne là que semble, zoar, en dachens. Dans mon temps, vraiment, où Ardache et leurs événements. Radkov, Zobé Triblasso, Kayerou, Kanoenou, Brezon, Wabé d'Astumet, Gan, Constance Lemerer, Erplars, Washom Balanul, Ag, Warana Venmad, et vide, Boutskri, Vetrouba, Croiseur Vretonet, Agur Gelowen, Breis. Mais des dénebés de Warren et Oyozer, Tiem Sedrou, puis dur pas de Hantor Kanla, ne se baiser, d'Astumet, Kanoenou, et à écrivener war kayerou à kayerou zo be hat kavet ban zo yor ba la nul à zo be dim pligen quand bernard las blay à daniel giraudon zo voilà au mat bavro ne la bourre de war entin zorze et vid ober lever zo nevi im bandet quand un ti im band d'astum ma teven ma treizen peut be clevet bernard las blay hein zo deux ban abaden tu de zevro de content de se Oliverel Zobid scrive Neveso Gand Rosen Milin Rosen Milin Diwar Ben identité les œuvres tonnet Vegenoms orve in bande de Oliver Warandachenze Dasquer ou Abbe scrive Gand Morvan le Besque Lever comment peut-on être breton à Triblasso ou Abbe scrive de Lever Gand Jean-Michel le boulanger à Hanve de être breton. Ag, vraiment, bonne, question d'identité, gand Rosenmilin. Rosenmilin, zo han avenma, de Breis, pudur, ebet ba pen télé Breis, pe oa lance télé Breis, ne ce que pas de pelle, jiwas. Ag, oa l'air, or plars e oa dipit, da oa et vevan ba brochine. Mais bonne, oa l'air se, an eus labourd, war ar actress soro-soro, evit zer id tambo brujun ou de spes Chôme de ze Yezou au vent de Gol, broyouzo. Puis dur broyouzo, zo Yezou, à n'in que comme, je mets gant hanter quand de dut, pédis, ag zo in arvar bras, ag raktre soro soro, et jusmat, ze ripé so moyen, rog ve fein et de Gol. Neveso, et et un anan, un Albert Poulain, Albert Poulain, zo un den an eus labour kals, vid ze venadur breizuel, un zwa de ze Pipriac, galog vela Pipiria, le gars de Pipiria, vigelard, hag neus labour kalz de zer i trou, hein, au labour divin neus gred, hein, benefin, hein, kalz drou neus begred, hein, hag Albert Poulain, war an ave mord bavro, tribla perruguenois, neveso, e bezine de pe chomman war de zévenadur, gand offizen douriste les kreis breiz, zo ba rostren, Tostenil, Isare, carte à yod, or brezon, deux doigts l'éna louarn, zo une carte de ze brezon, de bacus, du rand vro, de zin en un emglevze, gand un nitron, le collinet, zo prison, présidente, tien douriste de Chris Bryce. Ag, claskera, tien douriste de Chris Bryce, la cat de Warwell, zévena du revro, agueillez. Ba million, zo, mar aimant, un disco esade, hein, beta, mit, hanter mislu, diwar ben, trau kise, led, hein, bebe, bebe, ve gretze, ba, melionog, hag zo moyen d'un dud, don te veled, hein, neptor, del venuzo, blam, wardro, tre gonzo, de smusclev, hein. Bazan Laurence, tal de veyar, vo, crew, dormir, diwar lien, zo be, d'or, pinvidig, zor vro, gwechel, hag mir dise, mir di pa la cre, vodigoret ba mise even de son. Gouderam ester d'or vue evid zal you cinema war armez. Ba kalag a ba rostren, zo me mestra or zal cinema, hag ba benar ne oa ketin boe oa echu en abaden gant ur circuit boucheron, re en dro, de ze vro gant film, Hag bremañ zo gret ur strolat c'hant vet Sidkar, cinéma itinérant des Côtes d'Armor, avec gret vejen amzor divej emis, cinéma adar e ba zal ur gwellio ba benar. Ba zanigouden ne vek gret cinéma, roaz, ma trezen vo gret ur vej peneket, met bebseiz deus emis ve gret ur veillade, hein, gant ur gevridigez, vous avez 17. Agar, bon, moyen zo de tout d'un du, de zone, de gando, de l'art de varzon de peneket, pe de chilo, hag trouve de zibi war a blasen, hag de li pad o banz au moyen d'or, hein. Hag ve plijadur, hein, c'est du, et un drava d'un monde d'orveillade. Déjà, ce vecal, c'est dud, hein, war kres qui rend dud, hein, mais plijadur ve jules gwech. Bon, c'est du même gré, un temps blas de spesso neve bavro, à l'art en dar chiloer, yen RKB, tien orvegel, à dar tien medel morgan. Merci Eric, kenavo, et à la semaine prochaine pour un nouveau Hentar Brazonek.